Le feu, ce soir on va mettre le feu. Le feu, ce soir on va mettre le fuego. Tu connais pas, mais pas la vie. C'est le seul qu'on a dit. Je suis contre la nezo, révélation de la saison. Je nique tout et je rentre à la maison. Va voir, on me sent ta mala. Rebote, fais-le, fais-le. Yeah, le, le, le, le. La cuenta est salée. Ce soir c'est moi qui ralasse. La bouteille est calée. Le fuego m'a fait. La vie c'est moi qui prends. Dans mon équipe c'est pas le faux. Qui nous va remplir nos sauts. C'est rageux non plus les mots. Je vous donne rendez-vous à tous mes shows. Tu me parles.